私のように人の道を半ば踏み外したならず者ばかりでしょうな。茨の道になることも間違いない。その覚悟が終わりか、鍵下だ。 ああ望むところだ。 Nous muser impossible, toujours quelque chose à dire. Rap thérapie, au match tira de louper ma cible. Rien d'amusant, on passe notre temps à raconter l'indicible. On déteste ce qui dissimule, donc perçu comme nuisible. Ils savent qu'endormir les foules, laisse-moi les réveiller. La réussite c'est pas juste un gros poulet, une liasse de billets. Vous voyez pas la chasse qui coule de votre télé, ni les chasses dans la main de ceux qui prétendent nous aider. Parle pas d'équité, personne s'est quitté. Si t'as pas tweeté, en excès de vitesse sur la 4, voie de la médiocrité. Cerveau inutile, y'a des applis pour tout. Donc arrête de réfléchir, c'est ce qu'on te dit. Et toi tu fais ce qu'on te dit, tu suis, tu fermes ta gueule. Tu prosternes devant tes nouveaux dieux, Apple et Google. Bientôt ils inventeront le suicide challenge, on se butera tout seul. Tout ça me fout le spell. Mais qui sommes-nous? Des bons, des cons, des pions, ou des moutons qui se rebellent face aux loups? J'ai l'impression que ce monde devient fou. À chaque situation choisis, soit t'es lion, soit t'es gnou. Mais qui sommes-nous? Des bons, des cons, des pions, ou des moutons qui se rebellent face aux loups? J'ai l'impression que ce monde devient fou. À chaque situation choisis, soit t'es lion, soit t'es gnou. Il faut se défendre quand on a raison. Demande à Schopenhauer. On n'est pas bon qu'à se mettre des races à la happy hour. Ensemble on a trop de force, c'est ça le power. Tout ce qui est construit peut être détruit comme les Twin Towers. La misère se cache encore sous les ponts. Ça fait des milliards d'heures qu'on le répète sur tous les tons. Quand ils trichent, ils ont des alibis en béton. Un moment quand tu les vois, faut vraiment force, c'est pour béton. Les petits bolos confondent encore être respecté et craint. La liberté ne s'offre pas dans un écrin. Au taf tous les jours on se casse les reins. Sur la gueule j'ai des rides taillées au burin. Les riches se gavent toujours sur le dos des pauvres. Des fous dominent dans le domaine des fauves. C'est dans la douleur que sont apparus mes yeux mauves. J'suis la TMC. Mais qui sommes-nous? Des bons, des cons, des pions, ou des moutons qui se rebellent face aux loups? J'ai l'impression que ce monde devient fou. À chaque situation choisis, soit t'es lion, soit t'es gnou. Mais qui sommes-nous? Des bons, des cons, des pions, ou des moutons qui se rebellent face aux loups? J'ai l'impression que ce monde devient fou. À chaque situation choisis, soit t'es lion, soit t'es gnou. Mais qui sommes-nous? Des bons, des cons, des pions, ou des moutons qui se rebellent face aux loups? J'ai l'impression que ce monde devient fou. À chaque situation choisis, soit t'es lion, soit t'es gnou.